penses-tu que s'entourer des bonnes personnes puisse te faire gagner des milliers d'euros? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emmanuel, que j'ai rencontré dans un séminaire. Quand je te dis qu'il faut aller dans les séminaires pour rencontrer des personnes bienveillantes, des personnes avec qui vont te permettre de passer à la vitesse supérieure, j'ai rencontré Emmanuel à un séminaire. Salut Emmanuel. Salut Damien. Donc je lui ai proposé de faire une interview sur ma chaîne pour te montrer un peu son parcours atypique, puisque son parcours s'est passé en deux phases. Une phase patrimoniale où son but était, j'ai envie de dire, de monter le maximum d'appartements et ensuite voir d'immeubles, vous allez voir, et ensuite elle s'est rendue compte que peut-être qu'il y avait mieux à faire et mieux à optimiser tout ça. Mais je vais passer la parole directement à Emmanuel qui va nous raconter encore mieux tout ça. Merci Damien. Oui, effectivement, tu as bien résumé les choses. Donc pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années finalement avec un investissement. En fait, c'était une opportunité finalement. C'est tombé un petit peu comme ça, en fait, sans forcément le chercher. Où je voulais, enfin, moi, mon schéma, c'était le patrimoine, l'investissement patrimonial, investir dans la pierre. Finalement, c'était un peu la clé pour préparer son avenir et, en fait, sa retraite à long terme. Donc, j'avais ce schéma en tête. Et à l'époque, modestement, je cherchais simplement à investir dans un appartement à mettre en location. À l'époque en région parisienne. Et puis il y a une opportunité comme ça qui est passée, qui était de racheter un immeuble donc avec 7 lots. Donc pas du tout le budget que j'envisageais. 5 fois plus, voire beaucoup plus que ce que j'avais en tête. Donc j'y croyais pas trop, mais finalement je me suis dit ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'avais des éléments sur l'immeuble, j'avais tout un dossier en fait, qui m'a permis assez rapidement de rencontrer une première banque en fait. Et puis, on peut dire quand même que j'ai eu un déclic parce que je m'attendais vraiment à me faire chasser de la banque, à me faire un peu rironner, et là en fait pas du tout. Parce que je venais quand même avec zéro apport, juste les frais de notaire, ce qui est déjà sur un immeuble, ça fait une somme rondelette. Mais, on rappelle, on vient il y a 15 ans. Oui, 15 ans en arrière. C'était encore une autre façon d'aborder le prêt immobilier. On n'avait pas les mêmes taux, on n'avait pas forcément les mêmes conditions. Effectivement, avoir zéro apport pouvait bien faire flipper à cette époque. Zéro apport, voilà. On investit de plus en plus jeune. J'avais moins de 30 ans. C'est vrai que ça me paraissait vraiment un vrai challenge, à la fois pour moi, mais bon, en ayant fait moi, mes calculs, finalement, j'étais vraiment décidée. Et surtout un challenge pour la banque, puisque j'y croyais pas en fait. Et voilà, finalement, cet investissement s'est fait. Et puis j'ai fait tout simplement fructifier ce petit immeuble tranquillement. En fait, je l'ai géré vraiment sans beaucoup m'y intéresser au départ, puisque mon but c'était maintenant que j'ai investi beaucoup d'argent, j'attends la fin de mon emprunt, donc quand même 20 ans, pour passer à autre chose. Donc pour toi, la stratégie patrimoniale, je résume, c'est attendre la fin du prêt pour toucher vraiment des loyers. C'est pas grave si je mets un petit peu d'argent tous les mois, c'est ça aussi? Tout à fait, t'as complètement raison. Et je mise sur une potentielle plus-value également. Voilà, c'est vraiment les trois points en fait, moi qui me guidaient. Et du coup, j'étais vraiment pas impatiente non plus parce que c'était le schéma que je connaissais. D'accord. Et qu'on m'avait inculqué finalement. Qu'on t'avait donné quoi dans ton entourage, c'est un petit, parce que peut-être ce que tu nous dis, c'est le schéma papa-maman qu'on apprend dans les dîners de famille. Quoi. C'est tout à fait ça. Voilà. Sois prudente, mets de l'argent de côté pour plus tard et travaille bien et tu verras plus tard. Tu profiteras peut-être le jour. Exactement. Donc c'était ce schéma-là. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est directement du coup un immeuble, 7 lots. Donc, alors, un immeuble 7 lots, c'est vrai qu'à l'époque, j'habitais en plus à l'étranger, donc c'était un investissement un peu particulier parce que, évidemment, je ne pouvais pas m'en occuper. Quoi. Enfin, je me suis évidemment occupée de toute la partie administrative, mais ensuite, la gestion des appartements, il fallait que ça roule et j'ai gardé même la société immobilière qui gérait les appartements, qui trouvait des nouveaux locataires, qui gérait tout, quoi, en fait. Hein. Tu as délégué, mais bon, ça allait dans tes calculs. Ça allait dans ce schéma, en fait. Donc, c'est que finalement, pas mal d'années plus tard, où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et à me dire, ben, ces locations, est-ce que moi je ne peux pas rédiger mes baux, trouver moi-même les locataires. Petit à petit, ma philosophie, elle a pas drastiquement changé, mais j'ai commencé à faire des choses moi-même, à m'intéresser un peu plus au contenu, du bien, comment ça marche quoi, finalement, combien ça coûte, à regarder de plus près tout cet aspect finalement économique. Et t'as regardé tout ça parce que t'as rencontré des personnes qui du coup t'ont fait réfléchir à ça. C'est, quelle était ta démarche entre j'achète, j'attends voilà. 15 ans ou 20 ans et je vais essayer de rendre ces investissements un vrai business à part entière. D'accord. Alors ouais, effectivement. En fait, ça s'est fait plus par mon intérêt dans les biens et dans les appartements. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, finalement, c'est amusant. Quoi. J'ai mis le doigt dans l'engrenage de me pencher un peu plus précisément sur ce qui se passait. Hein. Et ça m'a amusé. Donc, j'en ai fait de plus en plus, on va dire. Et puis petit à petit, en rencontrant des gens, en discutant avec des gens, mais ce que je peux regretter aujourd'hui quand je regarde sur les 15 ans en arrière, hein, je me dis mais c'est dommage, j'aurais pu aller 10 fois plus vite hein, si j'étais tombé sur les bonnes formations que je m'étais j'avais regardé à l'extérieur. En fait, moi je pense que j'ai beaucoup découvert des choses moi-même. Hein. Un peu par hasard, par opportunité, encore une fois. Des gens qui me mettent la puce à l'oreille sur des petites choses, par exemple. Je crois une des premières choses que j'ai faites et qui a un petit peu changé la courbe, c'était de virer l'agence immobilière, en fait, hein, qui me prenait un pourcentage inouï. Hein, et un jour, je me suis dit, non mais ça suffit, j'arrête. Hein, je vais challenger cette agence, je fais un appel d'offres, j'en contacte d'autres et je vois ce que ça C'était la première démarche personnelle en fait de prendre la main sur mon bien. En fait, c'est juste ce que je dis souvent, c'est juste gérer ça comme un business. Dans un business, t'as un directeur des achats. Alors, si t'as un petit business, t'es ton propre directeur d'achat, mais tu vas pas faire un contrat avec une personne comme ça. Tu vas faire des devis et on dit qu'il faut entre 2-3 devis minimum pour se rendre compte de signer avec quelqu'un. Donc, toi, c'est juste. Ce que tu as fait, c'est que tu t'es rendu, du coup, de ce que j'entends, c'est génial, c'est que tu t'es rendu compte qu'il fallait gérer ça comme un vrai business si tu voulais avoir une rentabilité. Absolument, et un bénéfice peut-être un peu plus rapide. C'est ça, exactement, gérer ça comme un business. Donc j'ai aussi profité finalement des taux d'intérêt qui ont évolué au fil du temps à mon avantage. J'ai changé 4 fois de banque en fait, donc j'ai renégocié 4 fois le prêt de cet immeuble. Hein, et j'ai quand même assez rapidement compris qu'il y avait un intérêt à limiter les charges au maximum, donc les intérêts d'emprunt notamment, il y a quand même beaucoup d'argent. Au total, j'ai calculé, ça fait quasiment 150 000 euros en fait d'économiser juste en renégociant. Et puis, de fil en aiguille, quand tu renégocies finalement, tu te rends compte que les gens avec qui tu parles, donc en l'occurrence les banquiers, ils peuvent être aussi, ils comprennent en fait que tu gères la chose comme un business hein, et on peut négocier en fait, on peut négocier plein de choses, j'ai découvert ça, on peut négocier énormément de choses en fait, hein. Même quand tu as déjà ton emprunt, il suffit d'oser aller parler à son banquier finalement et faire des propositions, puis après au pire il dit non, on va voir ailleurs, ou on va pas voir ailleurs, on peut même rester. Mais, Deux points importants, c'est le banquier, c'est une relation commerciale. C'est un commerçant. Donc un commerçant, on peut toujours négocier. Si on a autre chose à lui ramener à côté du bien, on peut encore plus négocier. Par contre, juste attention, toi, si tu m'écoutes et que tu as acheté en 2016, 2017, 2018, 2019, la stratégie d'Emmanuel va pas vraiment marcher parce que quand tu vas avoir un taux d'intérêt à 1,5 sur 25 ans, oublie d'aller négocier même si le taux est descendu à 1,3, ça sert à rien. Là, on parle de stratégie quand tu as des taux qui étaient à 4-5% et qu'ensuite tu vas l'avoir à 2%. Effectivement, ça vaut le coup d'aller faire les démarches. En fait, ce qu'on dit en général, moi c'est ce que j'ai vite appris, s'il n'y a pas un point d'écart, ça vaut pas la peine en fait parce que tu as aussi quand même des frais, sauf si tu as négocié. Les remboursements anticipés, ce qui peut se négocier aussi, mais c'est quand même assez compliqué à obtenir. C'est une question, ça c'est pareil, c'est de la négociation. C'est-à-dire que si tu sais parler le banquier sera ton ami. Mais effectivement, il y a des frais, si tu as une hypothèque, il va falloir il va falloir casser l'hypothèque pour potentiellement reprendre. Donc il y a des frais. Effectivement, on parle d'un point. C'est pas une règle absolue, mais ça permet de savoir qu'environ, voilà, si c'est en dessous, tu vas perdre beaucoup de temps pour pas gagner grand chose. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour gagner pas grand chose, effectivement. Donc moi, c'est vraiment une conjoncture particulière dans mon parcours. J'ai profité de ça. Donc, j'espère que les gens qui ont investi à mon époque, cette époque ancienne, ont le réflexe de profiter de ça. Mais voilà, la première renégociation que j'ai faite, c'est pareil aussi. C'est quelqu'un, une amie en fait, qui m'a dit, mais au fait, ça faisait 3 ans seulement que j'avais cet enfant. Et donc relativement rapidement, elle me dit, mais pourquoi tu renégocies pas? Donc j'avais pas eu l'idée, mais cette petite phrase, ça a germé dans mon esprit et j'ai beaucoup fonctionné comme ça, en fait, par petits éléments qui font dire, bah, oui tiens, pourquoi est-ce que cette personne me dit ça? Ah oui, bah, je vais poser la question. Ah mais ça marche, super. Une rencontre des fois, une rencontre. C'est pour ça qu'il faut absolument t'entourer des bonnes personnes, et ces bonnes personnes, elles peuvent te faire gagner des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, parce que un déclic, quelqu'un qui est passé par là, en fait, quelqu'un qui est passé par le chemin que tu veux emprunter, c'est quelqu'un qui va être bienveillant envers toi, parce que il s'en manque, ça va lui faire plaisir de te faire monter à la vitesse supérieure. Et là, voilà, une rencontre, un mot, et tu changes ta stratégie, tu changes un petit peu ton état d'esprit. Et ça m'a fait gagner déjà des dizaines de milliers d'euros, en fait. Vraiment, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Voilà, ça c'était vraiment mon immeuble que j'ai laissé vivoter. J'ai donc économisé, on va dire, de l'argent en renégociant mes prêts. Et puis, mes appartements, ils étaient quand même loués en nu, en fait. Hein. Alors que bah, y a des techniques aussi où, assez rapidement, j'ai réalisé quand même que voilà, question impôt était une question importante, en fait. Ça, j'avais compris que c'était le nerf de la guerre. Par contre, je connaissais peut-être pas les subtilités, subtilités que j'ai découvertes que plus tard. Et donc, c'est que dans les 3 dernières années, où progressivement, je fais passer tous ces appartements de nu à meublé. Donc, bah, je fais des travaux, je meuble des cuisines équipées plutôt sympas, j'achète du mobilier. Et puis, je loue en meublé, hein, ce qui se fait donc progressivement, parce qu'évidemment, je ne vais pas mettre mes locataires dehors. Ça se fait progressivement. Malgré tout, j'ai calculé aussi que la balance, en fait, hein, notamment sur la dernière année, en fait, j'ai 2 appartements que j'ai passé en meublé. Hein, je gagne 20% quand même sur mes loyers, quoi, en fait. Hein. C'est juste énorme. Juste avec une technique et une connaissance. Si jamais ça ne te parle pas trop, le meublé, je vais te mettre le lien. Tu auras cliqué sur le petit i en haut de la vidéo. Je vais te mettre. J'avais fait une vidéo sur le LMNP. C'est un peu de ça dont on parle. J'avais fait une simulation pour te montrer un peu l'intérêt de ce mécanisme. Et au-dessus, en dessous, dans la description, tu verras une formation qui s'appelle Meublé en or, que je fais exprès pour expliquer exactement les vertus du meublé et comment tu peux gagner vraiment des milliers d'euros grâce à ça. Donc, tu as la description de la formation. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Donc, ouais, changement de stratégie, fiscalité changeante. Et du coup, tu achètes de nouveaux biens. Et du coup, en fait, voilà, je mords carrément à l'hameçon, hein, et j'ai envie de réinvestir. Donc, j'ai acheté un petit appartement dans Paris il y a 8 ans maintenant. Hein. Pareil, que j'ai loué donc assez rapidement en meublé. Hein. Alors là, c'est vrai que Paris, bon, bah, c'est une valeur sûre, en fait. Alors, Paris, il n'y a pas de renta, par contre, tu loues en une demi-seconde, tu as trouvé tes locataires. C'est exactement ça, Damien. T'as totalement raison. Toujours dans cette stratégie quand même patrimoniale, en fait. Donc voilà, un premier appart à Paris, et puis un autre petit appart là où je me suis mise sur le créneau de la courte durée. Donc un bien rénové nickel, en fait, avec du mobilier comme ça peut plaire à des touristes dans une ville touristique, super quartier, hyper centre-ville. Donc j'ai testé par ce biais un nouveau mode de location que j'ai mis d'abord en agence, et puis dans un second temps, là aussi j'ai récupéré, en fait, les choses, je reprends la main sur un certain nombre de choses. Il faut être un peu disponible quand même. C'est vrai que c'est du boulot, en fait. Moi, finalement, c'est ce qui me plaît aussi, finalement, de voir les choses qui évoluent. Hein. De me dire que c'est pas figé. D'ailleurs, cet appartement parisien, du coup, je suis en train de le vendre, parce que je me dis, bah, finalement, dans ma stratégie patrimoniale, j'arrive un petit peu au bout. il y a une demande inouïe aussi sur ce type de bien et je me recentre sur, sur une autre zone géographique. J'ai de nouveaux projets en fait, tout simplement. Hein. Le patrimonial, c'est génial. Alors, si tu nous écoutes et que tu es au début de ta vie d'investisseur, après, il y a un truc en trois lettres qui peut te rattraper au niveau de la fiscalité. Alors, à l'époque, le jour où tu regarderas cette vidéo, comme il change tout le temps, ça changera peut-être de nom, peut-être que ça s'appellera ISF, IFI ou autre chose derrière. Mais voilà. Je dis souvent, à un moment, tout investisseur se doit de réfléchir à l'arbitrage de ses biens pour. Déjà parce que des fois, tu as acheté un bien dans une stratégie et puis quelques années plus tard, comme Emmanuel, tu te rends compte que c'est plus forcément la meilleure stratégie pour toi. Mais en tout cas, ça a été une excellente stratégie parce que ça t'a permis déjà de passer à l'action. C'est ça. Mais pour changer, des fois, pour arbitrer, ça peut être bien de libérer, libérer un bien qui prend en capacité d'emprunt et en plus du coup tu vas récupérer de l'argent pour pouvoir potentiellement le réinvestir ailleurs ou en tout cas l'utiliser comme une carotte pour la voilà, banque. Avoir un levier pour pouvoir réemprunter en fait. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est, enfin, moi de mon point de vue hein, et dans mon parcours, voilà, même si c'est pas forcément, il y avait peut-être différentes stratégies, mais c'est le levier banque en fait, hein, qui est, on part de zéro. Hein. Il y a 15 ans et voilà, après on est à la tête d'un patrimoine qui se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros quoi, finalement. Donc après, ouais. Après, truc à retenir, si toi tu as un salaire moyen, donc le salaire moyen médian en France je crois c'est 1750 euros, attention, la stratégie patrimoniale, moi j'ai une stratégie patrimoniale sur une partie de mes biens, mais avec cash flow. C'est-à-dire que pour moi le patrimonial aujourd'hui c'est quelque chose qui va faire de la plus-value, même si je ne la compte pas dans mon patrimoine de base, mais je sais que ça va faire de la plus-value parce que c'est des endroits qui vont prendre de la valeur, c'est des endroits qui vont se louer très vite. Et par contre, je t'encourage quand même à garder le troisième facteur qui est cash flow obligatoire, c'est un excédent de trésorerie obligatoire. Parce que selon ton salaire, si jamais tu as un super produit patrimonial, c'est cool, mais 1, 2, maximum 3 et encore, la banque elle va te dire stop parce que tu vas être trop endetté et tu ne vas pas avoir assez d'entrées pour montrer à la banque que tu as des liquidités en cas de coup dur. Et ça revient à ce que tu disais par rapport à un business finalement, c'est vraiment gérer ses investissements pour faire rentrer de l'argent hein, et montrer en fait qu'on peut croître tout en ayant des dettes en fait. Et du coup ça moi, je ne l'avais pas forcément compris au départ, c'était pas ma stratégie comme tu le disais. Hein. Investir en faisant du cash flow, maintenant je me rends plus que compte que c'est possible, je visite des biens, je vois que voilà, en achetant, alors pas forcément dans ta ville en fait, hein, en prenant donc des risques. Alors après il faut assumer, il faut aussi à chaque fois peser le pour et le contre. Moi je suis pas du genre tête brûlée en fait. J'aime bien toujours savoir ce dans quoi je me lance et quand je le sais. Moi là-dessus, c'est il faut comprendre les risques que tu vas prendre, tout simplement. T'as le droit de prendre des risques, mais il faut comprendre les risques que tu vas prendre dans ton business. Donc, ouais, un risque d'investir loin de chez soi, ben forcément, c'est potentiellement, ben, on n'est pas sur place, on ne voit pas ce qui se passe. Puis ne serait-ce que pour chercher, c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué. Hein. Donc, moi, c'était là le dernier bien que j'ai acheté, il est à Lyon. Hein. C'est pas là que je vis, hein. Donc pour le trouver, ça a été compliqué. J'ai failli d'ailleurs laisser tomber parce que c'était quand même, il fallait que je me déplace en train. Enfin, j'ai investi du temps vraiment sur mon temps libre en fait, pour aller sur place, rencontrer, alors soit visiter par les biais d'annonces, hein, mais aussi rencontrer les agences immobilières et créer là aussi une relation. Tu parlais de la relation avec la banque, typiquement l'agent immobilier, en fait, moi j'y allais un petit peu autrefois quoi, sur la défensive, hein, et finalement je me rends compte que ben, c'est aussi eux leur intérêt de me vendre quelque chose qui me convient, donc de bien comprendre mon projet. Hein. Et là en fait cet appartement, bon après plusieurs difficultés, notamment j'étais sur un bien, c'était très compliqué, hein, c'était une succession, hein, et puis au bout de quelques temps on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'amiante, enfin bref ça a été assez difficile, mais ça m'a permis de créer une relation de confiance avec cette personne en fait de l'agence. Et coup de bol en fait, hein, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça avec ce qu'on peut appeler la chance. Mais j'étais justement en route pour me rendre à Lyon, j'avais pris 3 jours de congé exprès pour visiter. Je suis dans le train, elle me rappelle en me disant « Ah bah si vous voulez, j'ai un bien qui rentre, je peux vous le faire visiter ». Et alors là, du tac au tac, bah, ça tombe bien, je suis sur Lyon dans une heure, je peux visiter dans une heure. Donc c'était... Parfait. Il faut être disponible, quoi, en fait. Et se rendre disponible, et c'est pas toujours évident. Nickel. Juste une petite aparté sur la chance. Donc, il y a un livre, L'autoroute du millionnaire, Fastlane Millionnaire. Je vais te mettre le lien du livre dans la description de la vidéo. C'est un livre excellent où il parle de la chance. Et en fait, les gens qui sont du mauvais côté, donc il parle toujours de chance, qu'on a de la chance. Parce qu'en fait, ils voient l'événement final. Tandis que quand tu veux faire de la richesse, ce que toi tu vois en regardant des vidéos et en essayant d'apprendre les choses, c'est tu vas mettre en place un processus qui va t'amener à un événement qui va être... être indépendant financièrement, par exemple. C'est la démarche, alors, c'est ça ? C'est la démarche, c'est le processus. C'est la démarche qui est importante. Et du coup, quand tu fais la démarche, forcément, derrière, tu vas avoir un événement qui va être bon pour positif, toi, hein, positif. Et les gens, ils vont juste voir l'événement. Et du coup, ça va être à chaque fois, tu as eu de la chance. Mais non, tu n'as pas eu de la chance. Tu t'es bougé à aller faire des choses, à aller faire des partenariats, à changer ta stratégie. Pour changer ta stratégie, tu es allé dans des séminaires, on en parlait. Voilà, tu es allé, ça, ouais. Tu es allé voir, tu es allé. C'est provoquer les choses en fait. Provoquer les choses. Tu as eu un processus d'aller, de te dire peut-être que c'est ok, c'est patrimonial, ok, j'ai un patrimoine, mais au final, je flippe de payer au final une imposition supplémentaire. Peut-être que je peux aller chercher l'information auprès de personnes qui connaissent mieux et qui sont peut-être passées et ça va me faire accélérer les choses. Et tu vois, on voit aujourd'hui que bravo pour ce que tu fais, puisque tu transformes certaines choses, tu continues à investir. Et je pense que c'est encore que le début au final d'une nouvelle projection. Quoi. Alors oui, moi je le ressens comme ça, en tout cas effectivement, ces différentes rencontres, finalement ce parcours, c'est haut et c'est bas en fait, à me dire bah, finalement à quoi bon. Et tout ça en fait, ça donne envie d'aller plus loin, de continuer, de profiter des leviers qui existent, parce que finalement, il y en a quelques-uns, et j'ai qu'une impatience, c'est de réussir à décrocher le bien. Alors je cherche un peu sur des immeubles encore, parce qu'évidemment, c'est, pour moi, ça correspond bien à ce qui me convient. Hein. Mais voilà, c'est se donner du mal à aller chercher tout ça. Et je le prends vraiment comme un vrai boulot. Quoi. Bah, c'est un vrai boulot, c'est un vrai business. Merci à toi, Emmanuel. Pour finir, est-ce que tu peux donner un conseil à l'investisseur débutant qui est en face, qui a envie de se lancer, qui regarde des vidéos YouTube, mais qui n'arrive pas à passer à l'action? Alors oui, je pense que vraiment, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est il faut oser, quoi. Le conseil, c'est oser. Vous entendez des vidéos inspirantes. Hein. Bon, il y en a quelques-unes. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais quand même, il y a des messages qui se répètent. Donc, il y a un fond de vérité, voire il y a plus qu'un fond de vérité. Il faut aussi avoir confiance. Il faut oser aller tester les choses. Oser aller visiter, par exemple. Parce qu'en fait, le premier truc, c'est de lire les annonces et puis téléphoner, parler aux gens, que ce soit un agent ou des particuliers. Mais voilà, oser faire le premier pas et après ça fait boule de neige et ça marche réellement en fait. Et pas que pour une partie des gens ou de la classe de la population, non, c'est une vraie un vrai effet hein, qui les banques sont là pour ça, les agents immobiliers sont là pour ça, etc. Chacun son métier et vous prenez des risques pour mettre à flot vos projets quoi, et avancer sur vos projets. Donc osez. Osez construire son écosystème et ça va rouler. Merci à toi en tout cas, Emmanuel. Merci Damien. Et merci à toi de nous avoir écoutés et suivis jusqu'au bout. Pour te remercier, je t'offre une heure de formation sur l'investissement locatif de A à Z. Alors le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu pourras trouver au-dessus, en dessous, je suis sûr que tu vas réussir à trouver. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs, si tu as des amis investisseurs qui se sont lancés ou qui veulent se lancer mais qui ont un petit peu peur, ben, partage-leur cette interview inspirante. Et abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu vois, tu as un petit bouton s'abonner, tu cliques dessus et surtout, tu cliques sur la petite cloche qui va apparaître. Ça te permettra de recevoir toutes les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Ben, d'ici les prochaines vidéos, en tout cas, je te dis, porte-toi bien. Merci Emmanuel. Merci Damien. Ciao, ciao. Bye.